Et voici maintenant la série Le diable dans tous ses états, présentée par Monsieur Régis Ollery. Satan, un ange déchu qui s'organise. Dans ces temps reculés où certains anges se révoltèrent contre Dieu, Satan était gouverneur d'une partie du nord du ciel. Il se mit à la tête des rebelles, un tiers du nombre total des anges, semble-t-il, et fut pour cela précipité avec eux dans l'abîme. Au XVIIe siècle, le poète anglais John Milton, très intéressé par les circonstances de la chute de Satan, fit quelques calculs très instructifs. Selon lui, les enfers se trouvant à 990 millions de lieues du ciel, et la chute de l'ange déchu ayant duré 9 jours, c'est donc à la vitesse vertigineuse de 1200 lieues par seconde que Satan s'éloigna de son père pour s'engouffrer dans sa nouvelle demeure, les enfers. Nouvelle demeure dans laquelle il n'allait d'ailleurs pas régner bien longtemps, car selon certains démonologues du XVIe siècle, tel le médecin Jean Vire, son confrère Belzébuth ne tarda pas à lui ravir son trône. Quoi qu'il en soit, les diables organisèrent leur nouvelle vie à l'image du monde des humains. Organisation politique tout d'abord. Adramelech fut élu grand chancelier des enfers et président du Haut Conseil des Diables, alors qu'Astaroth hérita de la charge de grand trésorier. Les archives infernales devaient être soigneusement conservées, tâche qui incomba à Baal-Bérith. Le gouvernement se devait également de posséder une armée, dont Baal se vit nommé général en chef et Léviathan grand amiral. Quant à la justice, elle fut sous la responsabilité d'Alastor, grand exécuteur des sentences. Contrairement à ce que la tradition judéo-chrétienne a toujours clamé haut et fort, les enfers n'étaient pas dénués des petits plaisirs de la vie quotidienne. Behemoth y occupait la profession de sommelier, Asmodée celle de surintendant des maisons de jeu, Dagon celle de boulanger-pâtissier et Nibas celle de grand paradiste des menus plaisirs de la cour infernale. Lorsqu'un diable tombait malade, il allait consulter Uphir, qui joignait à ses connaissances en chimie une solide réputation de médecin. Enfin, s'il faisait si chaud aux enfers, c'est grâce à Ucobar et à Xaphan qui veillaient scrupuleusement à l'entretien des chaudières infernales. Non contente d'attribuer des fonctions à chacun de ces diables, la démonologie traditionnelle décrivit également leur aspect. Scox, duc des enfers, avait la forme d'une cigogne. Paimon était représenté avec un corps d'homme mais un visage de femme, monté sur un dromadaire et couronné de pierreries. Eurynome, prince de la mort, avait de grandes dents, un corps couvert de plaies et portait pour seul vêtement une peau de renard. Pourquoi les démonologues du Moyen-Âge et de la Renaissance s'acharnèrent-ils à retracer avec une telle précision un monde qui n'était qu'illusion, un monde peuplé de milliers de diables, tous catalogués avec minutie, voire obsession? Pourquoi le monde des anges n'a-t-il jamais suscité autant de descriptions que celui des diables? La démonologie traditionnelle a certes eu sa part d'illuminés, mais aussi de théologiens, de philosophes et même de médecins. Il est probable que la très fameuse affirmation de Dieu « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi » ne soit en fait jamais parvenue à convaincre tout le monde, et que, selon les sceptiques, il paraissait stratégiquement important de bien connaître le monde infernal afin d'y pouvoir faire face, advenant le cas où les portes de l'enfer finiraient un jour par prévaloir contre lui. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états » présentée par M. Régis Ollery.